les minots grandissent, des vriaris orangissent. On envoie des rimes offensives, Zino, Zdar, Melka, Sucé. C'est le 9-1 dans toute sa splendeur, bouge pas de l'under, rentre t'auras des touches car dans le cœur. T'as plus d'une race sur le manche du pain moisi. Sur la planche, les sons c'est la crasse d'Île-de-France, fils investi. Ça dans la planche comme de la vodka. On te rocka sans vodka. Nico Mukbiach et paye la foca avec de la vodka. Trop à 11 mi c'est Wesson. Le gun à Nicky Larson. Là où ça handicap les keufs à vie comme Perry Mason. Y'a pas de pays des rêves à risque. Forcément on baise Alice. J'veux du ralice plein les valises. Et que devant nous les keufs balisent. Tellement chaud qu'on met HS ta climtronique. Hey yo ma tête nique. J'ai la technique. Que les biches toi et ta tectonique. Gangsta rap d'arabe ma rap 91 que des bras. Les vrais et même les faux le savent. Le son est sale comme une cape. Squatte le beat, squatte l'état. Ma putain de beat dans ton talama. C'est moi qui démonte, c'est toi qui démarre. SDAR et MLK. C'est le 9-1 dans toute sa splendeur. Bouge pas de l'under, rentre t'auras des touches car dans le cœur. T'as plus d'une race sur le manche du pain moisi. Sur la planche, les sons c'est la crasse d'Île-de-France, fils investi. Dans la blanche, c'est le 9-1 dans toute sa splendeur. Bouge pas de l'under, rentre t'auras des touches car dans le cœur. T'as plus d'une race sur le manche du pain moisi. Sur la planche, les sons c'est la crasse d'Île-de-France, fils investi. Dans la blanche, en bas de ma tête, le refrain il a pas changé. Ça bicrave toujours des sangers. Nique sa mère, même quand y'a danger. On continue jusqu'à la mort. On n'a pas fini de se venger. C'est pour les frères qui charbonnent dur pour manger. T'as pas compris, c'est la rue, viens pas déranger. Nique les keufs qui nous traitent de sale étranger. RER6, y'a qu'avec du bif qu'on peut s'arranger. On est bloqué dans la street comme au car plat. Condamné à vendre shit et rap bras. À faire des cash bras, même faire la hagra. Si t'as peur, reste planqué dans ta casbah. C'est le 9-1 dans toute sa splendeur. Bouge pas de l'under, rentre t'auras des touches car dans le cœur. T'as plus d'une race sur le manche du pain moisi. Sur la planche, les sons c'est la crasse d'Île-de-France, fils investi. Dans la blanche, c'est le 9-1 dans toute sa splendeur. Bouge pas de l'under, rentre t'auras des touches car dans le cœur. T'as plus d'une race sur le manche du pain moisi. Sur la planche, les sons c'est la crasse d'Île-de-France, fils investi. Le dans la blanche, association de bâtards qui te casse et qui se barre. C'est la guerre dans mon 9-1. Des gars finissent dans les ravins. DDRG, PLT, FDT, CRIS. Fais gaffe à toi si tu tombes trop dans la tête. C'est plus violent que les CRS. 9-1, équipé comme ma collée dans Hit. Impossible que tu imites. On repousse toutes les limites. 91, 130% de violence. Fais gaffe à toi si tu balances. Rafale de balles, suis la cadence face à notre délinquance. Appelle-nous, chacun ou chien de la casse. Toujours partant pour des coups de crasse. Et sans problème, nous on te casse. Nico Mouk, biatch. Tu kiffes, bienvenue à Paris. Melka, SDAR sur un son qui fait pas rire. C'est le 9-1 dans toute sa splendeur. Bouge pas de l'under, rentre t'auras des touches car dans le cœur. T'as plus d'une race sur le manche du pain moisi. Sur la planche, les sons c'est la crasse d'Île-de-France, fils investi. Dans la blanche, c'est le 9-1 dans toute sa splendeur. Bouge pas de l'under, rentre t'auras des touches car dans le cœur. T'as plus d'une race sur le manche du pain moisi. Sur la planche, les sons c'est la crasse d'Île-de-France, fils investi. Dans la blanche.